la vue d'un gosse de 12 ans allongé au sol, recouvert de sang. Sa mère assise à ses côtés, seule à pleurer, en train d'espérer qu'elle ne fait que rêver son que. Mais après l'avoir tué, voulait tout faire sauter. Tension désespérée, les frères et sœurs vénères s'en veulent de n'avoir pu rien faire, soutenu par leur famille. Pour pas qu'ils partent en vrille, il leur reste qu'à espérer un jugement serré, qu'ils prennent perpétuité. Comment peux-tu imaginer qu'un mec que tout le monde connaît, que personne n'avait calculé, peut se mettre à tuer de sang-froid sans s'inquiéter, sans se demander ce qui risque de lui arriver? Ouvre les yeux, mec, voilà tout ce que le monde est fait. Où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? D'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? Regarde cette femme divorcée, mère de trois mouflés, qui n'a pas de quoi payer pour remplir leur gosier. Seule solution trouvée, se prostituer. À dire qu'une femme respecte avec un taf bien placé, des gosses bien élevés, inscrits à l'école privée, finissent par se retrouver à errer, à traîner, devenus voleurs délinquants. Pourquoi se mettre quelque chose sous la dent à chaque coin de rue, à l'affût du premier venu? Un casier à 10 ans, vision des 11 en venant. Et ensuite, à 12 ans, veulent faire partie de la cour des grands. La seule fois où ils rentraient est quand les flics les ramenaient. Et leur mère qui pleurait en trouvant sur le palier ses fils menottés, des cernes sous les yeux, du fait d'avoir passé la nuit chez les Condés. D'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? D'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? Et ce mec qui se fait agresser, coupable d'être prof au lycée. La seule chance qu'il avait, c'était se tirer vite fait. Faire ce métier, c'est se condamner, tu peux pas l'éviter. Si tu frappes sur un élève, et même si tu le regrettes après, t'auras pas le temps de faire une trêve, que tu seras déjà tombé entre quatre planches de bois cloutées. Bien sûr, tu dis, moi ça m'arrivera pas, en tout cas pas comme ça. Mais pense pas que ça arrive qu'aux autres, que tu mourras la tête haute. Que tu sois jeune ou vieux, obligatoirement heureux. Donc je rappe pour ses parents qui voient mourir leurs enfants. Pour tous ces gens qui sortent dans la rue en se méfiant. Et pour les inconscients qui ne pensent pas un instant que leur seul déficient est de vivre l'instant présent. D'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? D'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? D'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? D'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? D'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience? T'inquiète, quand on y pense, on sait à qui faire confiance. Mais d'où vient cette méfiance, cette haine, cette inconscience?